Dossier 6. Deuxième partie. C'est une blague. Les Lemoine et les Vincent sont dans le jardin d'une maison à vendre. J'adore cette maison. Et ce jardin. Dès que je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Moi, j'aimerais autant une maison sans jardin. Mais avec Nathalie... Ah oui, moi sans jardin, je serais malheureuse. Surtout dans le midi. Il ne faut pas se précipiter. On a encore du temps pour chercher. Quand on aime quelque chose, il ne faut pas hésiter. Toi, tu ne te décides pas, et après, tout ce que tu trouves à dire, c'est « Ah, si j'avais su, ah, si on avait été plus entreprenant. » Moi, je suis comme Nathalie. Je fonctionne au coup de cœur. Elle est quand même un peu chère. On n'avait pas prévu de faire un gros emprunt. Faites une offre. Les propriétaires ont l'air pressés de vendre. Et puis, après avoir tellement monté, les prix ont bien baissé. N'attendez pas. S'ils acceptaient notre offre, tu crois qu'on pourrait régler l'affaire en 3 jours? En rentrant, je téléphone à mon notaire. Si tout va bien, vous pourrez signer la promesse de vente avant de partir. Tu vois, je t'avais dit que cette fois-ci, on trouverait. La voiture des Lemoine arrive dans le village et se gare devant le restaurant. Tout le monde descend. Tiens, tout allumé. Pourtant, Laura m'avait dit qu'elle allait chez des copains. Ils ont dû trouver que c'était plus sympa chez nous. Dans le salon, Laura et Frédéric sont assis sur le canapé. Ils sont en train de plaisanter et de rire. Les 4 adultes entrent. Bonsoir. On allait partir. Au fait, je vous présente Frédéric Duval, mes parents et des amis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Tu ne devais pas aller chez des copains? Si, mais finalement, on préfère aller au cinéma et Frédéric est venu me chercher. Et vous y allez comment? Mon père me prête sa voiture. Qu'est-ce que vous allez voir? Le nouveau film de Luc Besson. Bon, ben on y va. Ah, je voulais vous dire, cet après-midi, la boulangère m'a demandé si c'était vrai qu'on repartait à Paris. C'est une blague? Oui, oui, c'est une blague. Ah, oh, j'aime mieux ça. Plus tard. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Rien de grave. C'est quelqu'un qui fait courir des bruits sur nous et nos affaires. Comme dirait Joseph, les bruits, ça ne court pas tout seul.